Chapitre 32e, la péniche. Le général, encore cette nuit, car malgré tout il avait peur des fantômes, s'était couché dans la salle des armures. Les revenants, disait-il, reviennent quand même. Et la démonstration de Paulin Broquet, détruisant devant lui la tête de mort, ne l'avait rassuré que sur un point. Johanna, disait-il, il n'empêchera pas Johanna de venir. Alors il préférait coucher dans la salle des armures. Il s'y endormit donc, et si profondément que les quatre hommes qui entrèrent dans cette salle, qui l'enlevèrent de son lit de camp pour le mettre sur une civière, ne le réveillèrent pas. Le général fut emporté ainsi à travers le parc. On le fit passer non sans mal par la porte basse du kiosque, et on le chargea dans une limousine qui attendait dans la cour de l'hôtel voisin. La limousine partit de l'hôtel de Morillier et roula vers une destination dont certes le général n'avait pas le moindre soupçon et qui le fait frémir s'il l'avait connue. Elle roulait dans la direction de l'eau, du fleuve, de la Seine. Au-dessus de Paris, une péniche à demi chargée stationnait dans un de ces ports où les mariniers de la Seine s'arrêtent entre deux écluses pour laisser souffler les bêtes qui traînent leurs chalands. Cette péniche portait les feux de stationnement réglementaires. Elle avait pour patron, pour capitaine, un homme aux sourcils épais, à la barbe grise très fournie. C'était le vieux Poilu. La péniche transportait généralement des poteries de Montereau et voyageait seule, s'arrêtant aux portes des villes et des villages du bord de l'eau, où le vieux Poilu vendait des pots, des marmites, des tasses, des ustensiles de ménage. Un âne et un cheval tiraient la péniche. Un jeune garçon conduisait l'équipage dont le collier était ornementé de grelots sonores. Le cheval et l'âne étaient attelés, mais au repos encore, et ils mangeaient leur pitance en secouant leur musette. Une planche reliait la péniche au bord. Par cette planche, des hommes en assez grand nombre, une vingtaine au moins, pénétrèrent dans la péniche. Étaient-ce des clients, des amis? Ils avaient tous des allures bizarres, et n'entraient dans la péniche qu'après s'être assurés que dans le voisinage rien de suspect n'apparaissait. Puis ce fut un chargement qu'on apporta dans la péniche. On dut ajouter une seconde planche, car quatre hommes, deux par deux de front, passèrent du quai sur le pont avec leur fardeau recouvert d'une grosse toile qui ressemblait à une civière sur laquelle se trouvait un corps. Ce chargement fut descendu dans la cale. Le vieux Poilu, qui semblait n'attendre que l'arrivée de cette civière, prit le timon de son immense gouvernail, fit par son matelot rentrer les planches et commanda au garçon conducteur des animaux de se remettre en route. Le conducteur enleva la musette aux bêtes, leur passa le mort, fit claquer son fouet sur leur dos et collant sa cigarette au coin des lèvres, mit en marche son équipage, dont le carillon tinta clair et joyeux dans la nuit au rythme du pas. La péniche remonta la Seine, lentement, glissant doucement sur l'eau qu'elle ridait à peine.